c'est plus beau que les étés, sur les plages ensoleillées, pourquoi ne pas l'avouer? C'est plus beau que les hivers, quand la neige blanchit la terre. Et les femmes, c'est les couleurs de l'automne, quand les papillons s'envolent, à l'heure où l'amour se donne, c'est les parfums du printemps, quand renaissent les sentiments. Yo quiero vivir solamente de amor, solo por amor. Yo quiero vivir solamente de amor, solo por amor. Les femmes, c'est la fureur des lionnes sur la trahison d'un homme. Mais si un jour elles pardonnent, c'est le retour des cigognes quand elles arrêtent leur vol. Les femmes, c'est la tendresse des loups le jour où elles se découvrent. Mais quand elles feront la guerre, c'est la violence des panthères, la force de la lumière. Yo quiero vivir solamente de amor, solo por amor. Yo quiero vivir solamente de amor, solo por amor. C'est plus beau que la musique, c'est comme un piano magique qui s'inventerait des gammes sur les notes bleues des larmes qui coulent sur les joues des femmes. Les femmes, c'est le plus beau des pays, un soleil d'Andalousie, c'est une terre africaine sous les vents qui se déchaînent, c'est la douceur italienne. Yo quiero vivir solamente de amor, solo por amor. Yo quiero vivir solamente de amor, solo por amor. Les femmes, c'est la plus belle des couleurs, c'est le rouge quand elles ont peur, c'est le blanc quand elles se donnent, le rose quand elles nous pardonnent de n'être seulement que des hommes.